L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu, amour est si merveilleux, oh, oh, oh, quel amour, amour de Dieu. Merveilleux, notre Père Céleste. C'est pour nous un grand privilège. Et avec amour que nous nous tenons ici. Nous rassemblant dans le plus glorieux de nos qui soit. Le plus grand nom élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre unique Sauveur et Rédempteur. Notre unique Dieu. Dieu de notre vie, Dieu de notre foi, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit adoré et élevé pour toutes les merveilles innombrables que tu n'as cessé de manifester jusqu'ici. Et dont nous sommes bénéficiaires, tu es Dieu incomparable. Tu es Dieu vivant dans ton peuple. Tu es Dieu qui vient accomplir les Écritures. Tu es Dieu qui révèle ta face. Tu es Dieu présence, Dieu, Dieu qui délivre tes croyants des épreuves difficiles, des situations complexes, là où l'espoir humain est totalement interdit, là où l'homme ne peut plus rien. Seigneur, toi tu es toujours capable. Relève la foi de chacun. Ouais, cette foi du Saint-Esprit et de force divine pour travailler pour toi, pour te servir, pour t'écouter, pour recevoir de ta part les riches bénédictions promises. Aujourd'hui, la prédication de l'évangile maintenant. Et apporte du bien à chacun. Elle porte du bien à l'âme. Au fin fond de chacun de nous. Que ta divinité s'installe. Piété de Dieu. Et l'amour divin. Nous voulons atteindre la perfection. Atteindre l'achèvement de ton âme. Achève en chacun de nous, Seigneur. Que toi, Dieu, tu as commencé de ta propre main. Et ta propre autorité. Confond notre adversaire. Combat ton œuvre et tes croyants. Confonds Satan et tout son âme. Encore une fois, Seigneur, attends de la fin. Dans ces derniers jours, tu es même. Jette les ténèbres dans le royaume des ténèbres. L'œuvre ténèbre de Dieu est totale et parfaite. Et que ta lumière pleuve sur les élus. Pour éclairer leur chemin dans la voie du salut et de la justice. Exauce nos prières. Au nom merveilleux de Jésus. Nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Ephésiens au chapitre 4, versets 11 et 12. Nous allons lire jusqu'au verset 13, c'est mieux. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Yempe asili kopesa makaboete bamususu bazala bantoma bamususu basakoli bamususu bapalangisango malamu bamususu babateli mpe balakisi mpona kobongisa bobulami mpona mosala na kosungaka mpona kotongaka nzoto na Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima mpe na boyebi na mwana na Nzambe na mobali mobimba na epimelo na monene na litondi na Kristo. Ésaïe chapitre 28 le verset 21. Ésaïe mukapo ya tukumi bali na mwambe mlongo ya zomi. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Paratim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Poète Yahweh, à côté les malokola, n'angomba na pelasimi. A kosilika lokola na lobwako na jibona. Yete asala mosala na ye, mosala na kokamwa. Yete abongisa likambo na ye, likambo na kokamwa. Josué chapitre 10. Josué mukapo yazomi. Verset 5, et nous sauterons pour lire ensuite le verset 12 à 14. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées, ils vinrent camper près de Gabaon. Et l'attaquèrent. Versets 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Bongo mikonzi mitano na bamola, mokonzi na Yerusalem, mpe mokonzi na Ebeloni, mpe mokonzi na Yalemute, mpe mokonzi na Lakisi, mpe mokonzi na Egeloni. Bangenzaki basoda na bango mpe babutaki na basoda na bango nyonso elongo mpe basalaki molako liboso na Jibona mpe basalaki etumba na yango. Mulongo ezo na mibale. Na tango yango Yosua alobelaki Yahweh na mokolo Yahweh apekisaki baamola epai na mibali na Israele. Mpe ye alobaki na miso na Israele ete moi otelemanie epai na Jibona. Mpe yo sanza na lobwako na Yaloni. Moi mpe etelemaki nye. Mpe sanza etikaki kotambola kino esilaki bato kubukanisa biyangani na bango oyo ekomami na mokanda na yasala te moi etelemaki na kati na likolo mpe etikaki noki te soko mpona mokolo moko mobimba mokolo mosusu. Mpela moko na yango, ezalaki liboso te mpe nasimate wana eyokaki Yahweh mungongo na moto mpoete Yahweh bonaki mpona Israele. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Et que vos prières soient exaucées. Et que vos cœurs soient édifiés dans le poids de leur présence. Que vos cœurs soient édifiés dans la foi de leur présence. La foi restaurée du temps de la fin. Le genre de foi que Dieu avait prévu pour cet âge. Un prophète a été promis. Un message appelé lumière du soir a été prévu. Pour nous ramener sur les fondements antiques. Sur les traces des saints d'autrefois. De l'époque apostolique et primitive pour nous faire revivre les merveilles du Dieu d'Israël, Jéhovah de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui a donné un grand nom de l'Alliance fidèle à toutes les paroles de sa bouche, qui ne peut ni se renier ni se trahir ni c'est de dire ou renoncer à sa parole. Nous prions que ce Dieu-là se manifeste sur votre voix. Ouvre vos yeux pour que vous voyez quelle est la grâce attachée à son appel. L'appel que vous a lancé au temps de la fin. Il y a une grâce et des bénédictions rattachées à cela. Vous n'en jouirez pas suffisamment jusqu'à ce que vous en prenez conscience. Il faut que vous sachiez ce qui est en train de se faire. L'œuvre de Dieu en votre temps pour bénéficier davantage de tous les privilèges attachés à cela. Dans le psaume 22, la parole écrite disait d'avance concernant la postérité. Dans le psaume 22, versets 31 et 32, la postérité les servira. Si Jésus-Christ est cette postérité, alors il doit accomplir l'écriture. Et il doit les servir. Et si, après Jésus-Christ, il y a une postérité d'Abraham, que le ministère de Jésus-Christ devait susciter, parce qu'il est celui qui avait dit que ne prétendez pas en vous-même avoir Abraham pour père, je vous dis que Dieu peut susciter des enfants Abraham, que Dieu depuis le temps d'Abraham, le père de la foi, avait besoin d'avoir une postérité croyante. Une super race de croyants. Une super race de croyants. Une armée d'élite de la foi. Qui ne puisse craindre aucun défi. Qui ne puisse reculer devant aucun problème. Qui puisse prendre Dieu au mot. Et comme il en fit pour Abraham, il est écrit dans Genèse 15, verset 6, Abraham crie à Dieu, et cela lui fit un petit âge. Et Paul, quand il est venu commenter ce passage de Jésus, il est dit que quand c'est écrit comme cela, ce n'était pas pour Abraham seulement, mais c'est valable pour tous ceux qui auraient aussi la foi d'Abraham. Ceux qui peuvent croire à Dieu, comme Abraham l'avait fait, leur foi leur sera imputée à justice. Ils seront justifiés par leur foi. Dieu a besoin d'une telle postérité. Amen. Amen. Amen. Amen. Là, je fais la parenthèse. Parce que, bon, il faut que vous compreniez quand même cette manière comme une toile de fond. Genèse 15, verset 6. Prenons le verset 4 à 6, c'est mieux. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Et ce soir aussi, la parole de l'Éternel t'est adressée. Toi, Église. Toi, frère. Toi, sœur. Ce soir encore. Ton tour. La parole du Seigneur l'Éternel t'est adressée. Ce n'est pas lui, Eliezer, donc de Téman, qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est comme pour dire, lève les yeux en haut. Lève les yeux en haut. Après l'avoir connu dehors. Lève les yeux. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Il dit ça à un vieillard d'environ 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui parle d'une postérité innombrable. Que l'on ne peut compter. Et quand Dieu parle, ça règle l'affaire. Le croyant doit prendre Dieu au mot. Il ne faut pas regarder ce qui l'entoure, les réalités auxquelles il est habitué. Ne faut pas dire, j'ai toujours été habitué comme ça. Ou dans ma vie, je n'ai jamais vécu telle chose. Ouais, je ne pense pas que cela puisse m'arriver. Quand Dieu en parle, c'est possible. Ça va fendre l'espace. Et ouvrir les opportunités. Donnez les possibilités pour que l'impossible devienne palpable. Dieu est celui qui tient sa parole. Il verra que les écritures s'accomplissent. Que l'église qui a la foi saisie sera et dit jamais. Sachez que dans la parole, il y a tout pouvoir. Rien n'est impossible à ce que je dis. Quand Dieu parle, ça règle l'affaire. Ouais, même un petit mot de sa bouche peut faire beaucoup. Il ne cadre pas réellement avec ta situation. Et si tu élèves ta foi, tu mets ta situation. Ce qui est scientifiquement inexplicable. Ce qui est intellectuellement inexplicable. La parole du Seigneur opérera cela. Ne le limitez jamais. À la perte des sangs, quand elle s'est approchée de Jésus, il n'est pas dit que Jésus prêchait sur les hémorragies. Il n'est même pas dit que la parole qu'il prêchait touchait les hémorragies. Ou qu'il parlait de problèmes relatifs aux hémorragies. Et selon la loi, Jésus prêchait l'évangile. Il parlait de la parole à ceux qui l'écoutaient. Cette femme est venue avec sa foi pour pouvoir soumettre ça à la parole qui était prêchée. Elle n'a pas demandé quel est le sujet en cours. Ouais, le thème de l'esprit, c'est lequel? Elle ne s'est préoccupée par ça. Elle était dans un besoin. Elle voulait une solution immédiate. Elle voulait une révolution de l'histoire. Elle voulait le changement de sa situation. Elle a besoin de pouvait regarder à aucun obstacle. Et là, surgit comme ça. Interrompt pas les cours des choses. Jésus ne parlait pas du fait qu'on puisse les toucher. Il ne prêchait pas sur les attouchements. Il ne prêchait pas sur les positions de main. Oui, il parlait de l'évangile. À Dieu qui l'écoutait. Mais cette femme surgit avec son problème. Elle s'est dit en elle-même. Je peux seulement toucher le bord de sa tête. Je serai guéri de tout le monde. Et elle est passée à l'action. La foi n'est pas une illusion. La foi n'est pas une imagination. C'est une force qui pousse à l'action. Vous agissez et vous n'arrivez plus à vous de ceci. Vous devez aller dans sa direction. C'est la foi d'un homme robuste. Une force imbattable. Il a pris ça. Il a surgi, vaille que vaille. Il est allé toucher le bord. Sans problème résolu. Il a couru se cacher. Déjà avec sa solution. Jésus, tu peux continuer à prêcher. Je n'ai pas de problème avec toi. Ma foi a trouvé la porte. Prédicateur, tu peux poursuivre ton travail. Moi, j'ai eu ce que je cherchais. Venons rencontrer Dieu pour des solutions concrètes. Ayez foi en Dieu. Il est le même jusqu'à maintenant. Dis-moi, je sais qu'il est le même. Oh! Dieu dit à Abraham, il amène dehors. Regarde vers le ciel là-bas. Autrement dit, lève les yeux en haut. Toi, fils d'Abraham, n'hésite pas. Quand la parole de le faire, fais-le. Ne sais pas quelle surprise Dieu te reste. Tu ne sais pas ce que la parole peut faire après cela. Ça peut ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Regarde vers le ciel et la regarder. Compte les étoiles si tu peux le compter. Franchement parlant, je ne saurais pas. Dieu avait raison. Yes. Alors, quelle sera ta postérité? C'est réglé. Innombrable. Aujourd'hui, qui est celui-là qui peut nous compter le nombre de fils et de filles d'Abraham? Les jours où Dieu a dit ça jusqu'à présent. Il y a un homme scientifique, un savant. Il connaît le nombre précis de fils et de filles d'Abraham. Je vous dis qu'il n'y en a pas. Dieu a raison, c'est innombrable. Comme les étoiles du ciel. Alors verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Qu'il lui imputa à justice. Il a fait confiance à Dieu. Il a cru en l'Éternel. Il a pris Dieu au mot. Seigneur, tu l'as dit, que puis-je dire d'autre? Je ne peux que reconnaître mes soumettre. Seigneur, tu l'as parlé, que puis-je dire comme ça? Je n'ai aucun argument valable. Je ne peux que entendre reconnaître mes soumettes. Telle est l'attitude de croyant fils et fille. Et comme il était dit dans les évangiles, tout ce que Paul a écrit, ça demeure encore valable jusqu'à maintenant. J'aimerais lire ceci dans Galates au chapitre 3e, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. Tous. Innombrables. Vous êtes tous. Vous allez. Fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Je ne vous entends pas bien. On dirait que ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et quand vous revêtez Christ, lui, la postérité d'Abraham, identifié comme étant la postérité d'Abraham. Comment Christ est la postérité d'Abraham? Galates 3. Oh, mes chers amis, verset 16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit descendants. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance. C'est-à-dire à Christ. Galates 3:16. On nous a dit quoi? Or, c'est à Abraham. Donc, il y a né à Abraham. Les promesses ont été faites. Et à sa semence. La semence d'Abraham. Semence royale. Et la semence de la foi. Et la semence qui a foi dans la semence de Dieu. Car la parole de Dieu est la semence. Comme le Seigneur l'avait déjà dit si clairement. Chapitre 11, verset 8. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient comment? Et ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Et qu'est-ce que la parole de Christ? C'est la semence de Christ. Qu'est-ce que la foi alors? C'est la semence de la parole. Et les promesses sont faites à cette semence-là. C'est à Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa semence. Il ne dit pas et aux semences. Comme parlant de plusieurs. Et comme parlant de seul. Et à ta semence. Qui est Christ. Christ est la semence d'Abraham. Il est la postérité d'Abraham. Donc il est question. Et quand vous vous revêtez de Christ, vous êtes identifié comme étant la semence d'Abraham. Parce qu'on ne vous verra plus vous. Mais on verra votre revêtement. Et votre revêtement, c'est Christ. Et rien d'autre. Colossiens chapitre 2. Oh, mes chers amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens chapitre 3. Il a dit au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, je suis sur verset 4. Attachez-vous aux choses d'en haut. Celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie n'est pas trop visible, ni même exposée. À tous les caïmans. Tous les lionceaux. Dans le domaine spirituel. Mais votre vie à vous est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui apparaît dehors, Christ. Ni les amis comme nous l'avons dit, et pourquoi il est votre revêtement qui cache votre vie intérieure, qui assure votre sécurité d'âme. Vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il suffit que lui décide de paraître, alors dans sa apparition, vous serez du nombre. Vous paraîtrez avec lui. Là, dans sa gloire. Vous lui serez remettre. La parole nous dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Que dire, mais ici, vous devez le faire. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Ne vous préoccupez pas de réclamer. L'âme charnelle. La passion de la chair. Pour ça, il y a un monsieur. Pour senga, il y a un autre monsieur. Il y a un senga, senga. Il y a un autre qui a un autre. Il y a un autre qui a un autre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Là où Christ règne éternellement. Là où Christ domine. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Comme il l'a dit lui-même à sa résurrection. Avant de monter là-bas, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir il a. Alors ne perdez plus votre temps dans les vilaines convoitises de cette femme. C'est comme disent les paroles de ces chants-là que vous connaissez. À la croix au pied du maître. Et nous, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être. Tout près de lui par la foi. Par quoi? Pas dans les doutes. Les questionnements, les hésitations, les imaginations. Mais vis plus près de lui par la foi. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix, je choisis librement. Comme ici, le je veux être tout près de lui par la foi. Brébédé, sa bergerie, nul ne monte de sa main. Sur les monts, dans les prairies, où est mon bonheur est vivant. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son décès, je veux être tout près de lui par la foi. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son décès, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis long, au choix splendide, la joie de meurt dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vers convoitise du monde, filmé tant ou pas c'est simple. J'ai trouvé la paix promise dans le champ de Golgotha. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son décès, je veux être auprès de lui par la foi. Fais le rein. Il faut ma tâche accomplie, j'entrerai pour droit au port. Au matin, douce patrie, le grand vin, cœur de la mort. Là, je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé. Et dans l'œuvre, expiatoire, pour toujours, m'a racheté. Alléluia. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans décès, je veux être tout près de lui, mais pas la fin. Quelle mélodie inspirée des pèlerins voyageurs et croyants. Qui ont renoncé aux chants des mots. Les mélodies sont préférables à tous ces chants modernistes. Qui prend l'inspiration de ça. Compare un peu avec bonjour. Ne vois-tu pas de bonjour, hein? Bonjour. Quand il n'y a pas de bien aimé, il y a quand même pas une idée. J'ai gagné pas ça. Hein? Mais ici, à la croix, c'est des expérience authentique. Mais petit frère, relève l'âme au bon endroit. Et je la bonne dans cette présence. Là, vous sentez. Non, pas quand tu entres dans les taxis. C'est ça, ça vous amène où ça? Quand tu entres dans les taxis, dis bonjour à ce que tu as trouvé là-bas. C'est ça, c'est ça. On le fait, c'est moi, ça, mais vraiment. Ils attendent pour faire aussi chanson de dire ça. Et puis vous allez payer votre argent pour acheter des gâteaux, des fidèles, des gens de bêtises. Revenez au vieux cantique. Depuis l'eau, au choix splendide, la joie d'être meurt à mon cœur. Adieu mes soucis perfides. Par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vers la convoitise et du monde qui m'étanta. Moi j'ai trouvé la paix promise dans le sang. La biloga va bonjour, voilà vraiment. Gloire à Dieu, oh mon Dieu, gloire à Dieu, Saint-Esprit. Où sont ça l'individu, j'ai envie de fabriquer quoi là, avec ce genre d'histoire ici. Il y a des vrais cantiques. Chantez sous l'inspiration de la grâce. Et le vieux pèlerin aime et apprécie. Et alors nettoie ta bandothèque. Nettoie ta discothèque, même dans les fêtes de mariage. Nettoyez. Mettez les choses qui nous amènent plus près de Dieu. Nous sommes exhortés tout le temps à nous attacher aux choses. Il n'y a pas de moment où nous avons la dérogation. Vous allez nous recréer à nous attacher un peu aux choses du monde et la terre. Vous faites tout le temps, attachez-vous aux choses. Église, répondez. Attachez-vous aux choses. Matin, midi, soir, aux choses. Jour et nuit, aux choses. En tout cas, aux choses. En tout cas, aux choses. C'est là où Christ domine. Il a tout pouvoir. Ne donnez pas accès au diable. On peut s'en connaître, n'est-ce pas, c'est écrit comme ça. Ne donnez pas accès au diable. C'est vrai. Ne lui donnez aucun accès. Soyez sérieux et ferme. Prouvez que vous êtes de cette postérité. Nous revenons à Psaume 22. Quand nous avons commencé à lire, juste un mot nous a amené encore à aller un peu, mettre encore un jalon à gauche à droite. Psaume 22. Nous avons commencé à lire le verset 31 pour finir au verset 32. La postérité les servira. Ah, je disais, si Christ et cette postérité, son devoir c'était d'être le serviteur de l'Éternel. Le serviteur de Jéhovah, le foyer de Jéhovah, Dieu le Père. Et si après Christ, une postérité de la foi, une super race de croyants, surgit, alors, il faudrait que cette postérité-là serve Christ. Serve le Seigneur. C'est ça le programme de Dieu. C'est ce qui préoccupe les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas préoccupés par le programme charnel. Démoniaque. Mais c'est le programme de Dieu qui nous intéresse. Le programme de renom des sorciers. Le renom des magiciens de tous les marabouts. Il y a un cas pour ça, le renom des noms à 10h30. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on la mise. Non, frère. Nous ne sommes pas préoccupés par le programme des marabouts. Mais satanistes, ce qui nous concerne, nous, c'est le programme du Seigneur Dieu, notre Père. Dans son programme, il a écrit que la postérité les servira. À comment est-ce que vous allez et que vous allez l'aïe? Pas moi qui m'ai pris la pongue pendant que c'est la lingua bandoguine à 2h du matin. Si c'est, il a quel service à Dieu à ce moment-là. Parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, quel verset, quelle parole, où tu es, on va en te faire, et vous imposez toi-même des histoires. Ça ne sert à rien. Revenez à la parole. Et c'était le message de lui. Revenez à la parole. Revenez à la Bible. Attachez-vous aux choses d'en haut. Cette Bible est un livre d'en haut. C'est le livre de vérité que les prophètes ont vu dans la main du Seigneur. Mais le voilà envoyé sur la terre. Ce n'est pas un livre de l'Orient. Ce n'est pas un livre de l'Occident. Ce n'est pas un livre des Blancs. Ce n'est pas un livre des Noirs. C'est le livre de vérité. C'est dit que nous tenons dans nos mains. Maintenant, la chose la plus précieuse sur le Le livre de vérité que vous voyez, c'est dans la Bible, la chose la plus précieuse. Il y a plus de valeur que l'or. L'argent de ce monde. La réserve fédérale. L'économie des banques mondiales. Le plus précieux que cela. Et quand à cette parole, il ne peut exister. Mais si vous voyez des choses, vous touchez des choses, vous entendez pas des choses, Jean 1, verset 1 et 2. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Elle est la semence pour tout. C'est elle qui a semé pour que tout ce qu'il y a soit. C'est elle qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est elle qui avait dit qu'il y ait un espace qui sépare les gens qui sont au-dessus de l'étendue et celles qui sont en bas de l'étendue. Et il y a eu cet espace. C'est elle qui a dit que la terre produise les animaux. Et il y a eu les animaux. La terre a produit les animaux. C'est ce qui a dit. Seul l'homme ne s'y marche. Et voici l'homme existe maintenant. C'est parce qu'au départ, il y avait la parole. C'est elle qui avait dit qu'il y ait des luminaires dans les salles du ciel. Et Dieu fit le grand luminaire pour marquer le jour et le petit luminaire pour marquer la nuit. Et il fit aussi les étoiles. C'est la parole au départ. C'est la femme qui est venue. Que la terre produise la verdure. Et les arbres ayant des semences en l'air sans. Et la terre a produit des arbres. Et ayant des semences, chacun des arbres dans leur fouille. Il a parce que la parole l'a voulu. Bon, ton avocatier. Ata avocat compagnie ata milanayo même ton mangoustani ata mangoustani ton lafoutier safunayo hein ton cocotier coco. Tous ces arbres là l'acacia non ça pas acacia le bois de gofer ata l'anjeta gofer hein le cèdre ata cèdre du pays Liban. Oui, l'olivier. Ata, et les bois qui sont sauvages au front. Et la taille, Liban est un samba. Tous ces arbres-là, ils existent, hein? C'est de la volonté de la parole. C'est la parole qui est la semence qui a produit tout cela. Sans elle, ce qui est en côté, j'aurais eu rien. Et alors, la parole, c'est la chose la plus précieuse qui soit sur la terre. Nous avons beaucoup de considération, beaucoup de respect. Nous devons l'approcher dans l'attitude d'adoration. Et méditation. Êtes-vous d'accord avec cette parole? Sans elle, ce qui en est fait, elle dit ceci dans le programme de Dieu pour ses enfants. La postérité le servira. Nous savons que la postérité c'est Christ, n'est-ce pas? Mais ici, dans Ésaïe 53, regardez la nuance que l'Esprit fait d'avance dans son programme. Il dit ceci. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Lui, Christ, dont il est question ici, qui est le serviteur de l'Éternel. Hein? Donc, la Bible parle ici. Oh là là. Dieu dit ceci dans Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Qui dit amen à la vérité? C'est le programme de Dieu pour son serviteur. Il s'agit du Messie Christ ici. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. N'est-ce pas que c'est amen? Alors dans Ésaïe 53, verset 2, parlant du même personnage, la même personne. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui. Oui, c'est qui? C'est Jéhovah Dieu le Père. Il a ce qui c'est le serviteur dont c'est la question verset 13 du chapitre 52. Il était prévu qu'il devait s'élever. Alors verset 52, la même prophétie continue à donner le détail. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, c'est quoi? Mépriser et abandonner les gens. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de la place, celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et nous l'avons fait de lui au caca. De qui s'agit-il? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans la prédication de Philippe à l'Énique éthiopien, le Nouveau Testament dans Actes chapitre 8, le dit clairement. Vous voyez? Là, dans Actes 8. Venez le verset 30 jusqu'au verset 30. Vous verrez que cette prophétie, cet extrait de la parole concernait Jésus-Christ. Mettons-nous d'accord maintenant. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il a plu à Jéhovah de briser lui le Messie par la souffrance. Et après avoir livré sa vie au sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et celui qui est apparu à Jean sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 1er. Au verset 18 et 19. Quand Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Et il a touché pour dire ne crains pas. Je suis le vivant. J'étais mort. Écoutez, je vis maintenant au siècle des siècles. J'étais mort. C'est vrai. Mais maintenant, lui-même parle. Je vis au siècle des siècles. Les siècles, c'est un grand nombre de jours. Un grand nombre. Un siècle, c'est 100 ans. Une année, c'est 365 jours. Dans le comptage biblique, une année, c'est 360 jours. Parce que là, chaque mois, le compte est 30 jours. Il n'y a pas de mois faibles et de mois forts. Na elobo liye le sakon ya debiliya wana ba sanzano so veni denge moko mikolo tuku misatu sanzano so alo chaque année mibu nyoso toko la monsala moke un an 360 jours ezali mikolo kama misatu tuku motoba un siècle siècle moko combien de jours 36 000 jours non 3600 jours c'est pas ça non Non, fois 100. Maintenant, des siècles. On a ce qui va caisser. Innombrables, hein. On a dit, des siècles, des siècles. Vous mettez comme c'est ça. Vous voyez comment? Il était plié par 3600 jours. Au qui siang, on a Mikoloana. Des siècles innombrables, j'ai dit. On n'a pas délimité. J'ai dit, maintenant, au siècle, des siècles. Il dit, j'étais mort. Mais j'ai dit maintenant au siècle des siècles. Siècle pluriel et des siècles pluriels. Innombrables. Est-ce des milliers, des centaines de siècles? Des millions de siècles? Des milliards de siècles? C'est innombrable. Maintenant il est dit. Ça fait pas la vie. Il verra une postérité. À et lui le Messie prolongera ses jours. Après quoi ça? Après avoir livré sa vie. Le Christ a-t-il livré sa vie? A-t-il déclaré que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre? A-t-il déclaré dans Jean chapitre 10 que le bon berger donne sa vie pour les brebis? A-t-il déclaré dans Matthieu chapitre 20 que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs pécheurs? A-t-il alors donné cette vie? Il l'a fait. Après avoir livré sa après cette situation-là, qui serait malheureuse, sujet de tristesse pour les disciples. Ils étaient abattus. Parce que ce moment était arrivé où le Messie devait passer par la mort. Mais dans le programme de Dieu, la mort du Christ n'était pas une fatalité. Car il était prévu dans le programme de Dieu, mais la parole de Dieu, il n'abandonnera pas mon corps au séjour de mort. Et tu ne permettras pas la corruption. C'était déjà le programme. Il mourrait avec un programme clair. Il va pour revenir. Il meurt pour ressusciter. Alléluia. Amen. Votre sauveur est merveilleux. Tellement merveilleux que nous le chantons. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il sait, il donne, il livre. Pour mourir, les pas. Oh, attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Amen. Attaché à la croix pour moi. Oh, naeko, naeko, le sopananga. Naeko, le sopananga. Ajima benanga pengaina biki naeku le sopona. Lui, il a livré sa vie. Il a donné sa vie. Cette chanson du croyant dit que moi croyant j'ai réussi ça. Cette mort c'était pour moi. Mais dans le programme de Dieu, il partait pour revenir. Il mourait pour ressusciter. Pour vaincre la mort et le séjour de mort. Par une expérience personnelle de Dieu devenu homme. Il en a fait une expérience personnelle de Dieu. Il n'a besoin des explications de personne. À ce sujet-là, il a affronté la mort corps à corps. Et il est sorti de là plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Jésus quitta les trônes de son père. Il descendit ici-bas. Hein? Il avait adopté la crèche pour verso. Lui, le roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai. C'est que c'est vrai. Il est écrit. C'est la suffit que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortait de la tombe. L'agneau divin sauveur du monde. Il ressortit, intercède pour moi. Et viens bientôt me chercher, je... Oh, oh oui, oh, oui je sais que c'est vrai. Il est écrit, programme de Dieu. C'est la suffit. Oh mon âme. Et Jésus-même, au bonheur suprême. La Bible, elle est dit. Oh oui, oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. C'est la suffit que Jésus. Jésus-même. Au bonheur suprême. La Bible, elle est dit. Cela me suffit, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Et mon chant d'anniversaire dans le royaume de Dieu. Et vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? C'est mon chant d'anniversaire. Et le royaume de mon Père céleste. Je prie que Dieu t'en donne aussi un. Un chant d'anniversaire. Tu es né dans ce royaume. Par une expérience personnelle. Venant de Dieu lui-même. On est ici dans le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est fait. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, cette promesse que le croyant doit la connaître. Et chaque croyant chrétien peut s'en prévaloir. Si un esprit d'État qui est concerné, mon frère, il verra quoi? Une postérité qui n'est pas lui-même. Mais sa postérité à lui. Christ. Yes, Christ. Qui s'identifie à lui. On verrait comme ça. Qui prend sa vie. Ok. Qui incarne cette vie. Il verra une postérité. Comment? Et lui, Christ, prolongera ses jours. Christ, il a dit, il y a un lien parfait dans les entre la promesse et l'accomplissement. C'est lui qui est apparu à Jean là-bas. Oui, oui. Mort. Mais maintenant, Jésus, au siècle des siècles, les jours sont prolongés à l'infini. Et la promesse d'Ésaïe 50 verset 10, confirmée par le Dieu qui ne ment point. Mort à mort, chanson. Il verra une postérité. Et prolongera ses jours. Tu sais ce qui suit. Pendant que ces jours sont prolongés à l'infini. Et que ces jours-là n'auront pas de fin. N'est-ce pas que vous comprenez? Quand on prolonge sans fixer une limite. Ça veut dire simplement qu'il vit éternellement. La mort était une interruption. Mais après sa résurrection, le nombre de ses jours sont prolongés à l'infini. Voilà pourquoi il a été fait sacrificatoire. Selon l'ordre de Melchisedec. Par Melchisedec, n'a ni commencement de vie. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisedec a été rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez la beauté du livre de Bénédicte. Melchisedec qui est Dieu, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Rendu semblable au Fils de Dieu. Adam était le fils de Dieu. Adam, mais après Adam, il y a un second et dernier Adam. Et le second et dernier Adam est le fils de Dieu. Et Melchisedec a été rendu semblable au fils de Dieu. Le premier Adam, Aïe un commencement de jour. Et si il demeurait dans la parole, pour manger l'arbre de vie, il pouvait prier éternellement. Mais il a péché. Il a transgressé l'ordre. Et Dieu a dit à son conseil d'ange, voici maintenant l'homme, il est venu comme l'un de nous, qui est du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de tendre sa main. Et de toucher, de manger à l'arbre de Dieu. Pour qu'il ne vive plus éternel. Le premier Adam, après le commencement des jours. Et il ne devait pas avoir une fin de vie. S'il demeurait là où Dieu l'avait placé. Mais il est sorti du chemin. Et tous meurent en Adam. L'espérance de l'évangile est celle-ci. Et tous meurent en Adam. Un pour tous les vivront en Christ. Le second et dernier Adam. Adam, Ses brebis aient la vie éternelle. Vous aimez toutes ces vérités. Programme de Dieu. Hein? C'est merveilleux et vrai. Alors, le premier Adam. Adam a eu un commencement de jour. Il avait la possibilité de vivre éternellement. En gardant la parole. Mais il a rejeté la parole. Et il est tombé. Et Dieu a chassé du jardin. Il a empêché d'accéder à l'arbre de vie. Il peut vivre éternellement. Mais le second Adam, il n'a pas péché. Ni fraude, ni mensonge, ni iniquité dans sa vie, dans sa bouche. Notre différent modèle, maintenant, pas son canal. Dieu a fait de lui péché pour que nous devenions à lui. Justice de Dieu. Dieu va amener à la mort pour que nous obtenions par lui la vie éternelle que Dieu avait ravie à Abraham. Même si en étant sur la terre, nous avions eu un commencement de jour, en gardant la parole, en croyant la parole, nous pouvons vivre éternellement parce que Dieu donne la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même, en entrant dans le monde, il a eu un commencement de jour sur la terre. Mais Melchisedec, non, il commence pas de faire de vie. Mais Melchisedec, la Melchisedec a été rendu semblable au Fils de Dieu. Il s'est rendu semblable à nous pour vaincre ceux qui nous vainquaient. Pour éclater la mort qui nous terrorisait. Et il a rendu l'aiguillon de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Le Christ est sorti puisque dans le rédempteur. Et par sa résurrection, vous êtes justifiés. Vous qui croyez à cette résurrection, Dieu vous impute cela à justice. Comme il avait fait pour Abraham. Alléluia. Alléluia. L'évangile est merveilleux. Le Melchisedec rendu semblable au Fils de Dieu. Quand vous regardez, Melchisedec, qui a eu commencé fin de vie, a eu finalement un commencement de jour. Jéhovah est devenu un bébé. The little Jehovah dont parle Frère Branham. The little Jehovah, le petit Jéhovah, qui était dans la crèche. À Bethléem, dans la cité de David, the little Jehovah, le petit Jéhovah, Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Abraham l'appelle de Little Jéhovah. Le petit Jéhovah. Là, dans la crèche. Il est né Christ. Il est né Seigneur. N'est-ce pas ce qui est de la Bible? Luc 2, verset 4. Il a parlé au berger qui était là-bas. Ne craignez point. Je vous apporte une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ? Le Seigneur. Il était né ça. Il est né, l'ange l'a annoncé. Amen. Il est né. Et l'ange a déclaré. Il vous est né un sauveur. Et qui est. Pas qui sera. Le Christ. Qui est le Seigneur. Non pas un Seigneur. Le Seigneur. Oh, le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur est unique. Rappelez dimanche. Dio Israël. Adonai Elohenu. Adonai Echa. Le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur est unique. Le Seigneur est unique. Voilà le Seigneur qui est né à Bethléem. Bénis le Jéhovah. Le petit Jéhovah. Je l'aime beaucoup ce bénédiction. Oh combien j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Qui a beaucoup fait pour moi. Cet homme de Galilée là, il est Melchisedec, rendu semblable au Fils de Dieu, rendu semblable à Adam. Melchisedec devenu Adam. Le mot Adam veut dire homme. Melchisedec qui est Dieu. Il n'a ni commencement de tout. Mais il a été rendu semblable au Fils. Quelle bonne nouvelle. Ça ne m'a pas donné ni. Certes, il n'aime pas ça. Mais qu'on y a noté. Et bien, si je me tiens là, yo. Ah, mais yo, le roman au clarité. Ce que je me dis, c'est que le roman au clarité. Tout le monde a vérité. Ça doit nous réjouir. Je vous annonce une bonne. Il sera pour plusieurs le sujet d'une grande joie. Quand je vous dis ça, il y a quelques hommes parmi vous qui se réjouissent, qui s'en réjouissent. Ma programme est un sengo. Sango wana sango ba osa kolango, et coupé ses belles à battre sengo. Mais yo fania wa malili tout n'a gada hit. Vaso peso sango malabo wa moutalikabo. Au milieu de nos programmes d'amis. Du coup, là, qui est membre d'église. Du coup, là, quand elle est, miséricorde. Non. J'ai dit. Moi, j'ai dit. Nous allons une bataille. C'est la plus publicitaire. Donc, on a pas les mines. J'ai dit une grande. L'icambo est son nom. Une grande joie. Et son nom, mon aîné. Hein? Attends, aussi, bilo, qu'on lit à te. Mais c'est un gros, bah, sur. Amen. Et c'est moi, qu'on vote à moi. Amen. Non, Zara, et qu'on le bébé. C'est vrai. Lui, mon vide, ça ne dit rien. Parce que la grande joie doit se produire. The little Jehovah. Jehovah Mouké. Le petit Jehovah. Jehovah Mouké. Hein? Alors quelqu'un vient là vous dit, Jésus-Christ n'est pas dit. Démon! Est-ce qu'il a pas habité? Démon! Viva! Sors de chez moi! Non, non, non. S'il faut entrer en transe, je vais entrer en transe. Sauf que vous avez un tout. Oh, Jésus-Christ n'est pas dit. Jésus-Christ n'est pas dit. Viva! Viva! Viva! Viva! Ça ne vient pas te voir ici. Il était le petit Jéhovah. Et il a grandi en sagesse et en statue devant Dieu et les hommes. Oh, la bonne nouvelle c'est merveilleux. Le petit Jéhovah, il devait grandir devant Dieu. Parce que la prophétie disait, dans le programme de Dieu, il s'est élevé devant. C'est tout bon qu'il est bossé dans le temps. Ça devait s'accomplir. Et c'est qu'il a quelque quoi. Il s'est élevé devant lui. Attends, on est bossé dans le temps. Et devant les hommes. Il est bossé dans le temps. Ah! j'aime cet homme de Galilée. Mon Yesu, combo na ye, na sango na ye pesa kasai. Amen. Et ça que c'est moi bien. Oh mutoko boto yote. O kumona na kora muto ali boma. Et c'est moi muto ali boma mais qui là au point na Yesu Christ. Amen. Ah, gloire à Dieu. Que mon entende. Ça j'aime. Oh mon ami Yamo. Il a dit. Amen. Il sera une postérité. Amen. Prolongera ce jour. Et avec pour qui se colonnaie. La partie terminale verset 10, Ésaïe 53. Mais... Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et son œuvre n'a qu'à se colonnaie. À quoi simba Moussala na Yahweh, Moussala ya Jéhovah. Yemei. Na maboko ya Yemei. Pekuna na maboko ya Yemei. Mosala na Yahweh eko fongwama. Amen. Eko kende seli poso. Amen. Et cela rejoint Ésaïe 52 verset 13. Wana ngani koko kanana Ésaïe mukoko mutumi pana na mibali mulongo. Voici mon serviteur prospérera. Maintenant l'œuvre de l'Éternel. Du serviteur de l'Éternel qui est avec lui. Cette œuvre-là prospérera. Entre ses mains. C'est ainsi qu'il est écrit. Et à monter en haut. Il a éteint des captifs. Et avec la il a pris en don de chambre. Et il a donné les cieux comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Lui-même donne. Il les tient dans sa main. Pour l'œuvre du Seigneur notre Dieu. Pour s'assurer que cette œuvre prospère. Partout sur la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'œuvre doit prospérer. Pas grâce à l'immixion de féticheurs. Ni grâce au mélange des talismans et des de non pas par un mélange de combine avec les esprits des morts. Hein? Les spirites, les nécromanciens. Pas ça. Mais c'est au main de Jésus. Lui-même qui dit, au siècle, dans le nombre de jours, prolongé à l'infini, prolongé sans limite, de manière indéterminée, c'est-à-dire pour l'éternité, bien qu'il avait eu un commencement de jour, mais il n'aura pas de fin de vie. Et nous avons appris par la loi que le Christ vit et demeure éternellement. C'est ce que le Juif avait dit. Non, se confirme dans sa vie. Et il fallait comprendre que dans les programmes de Dieu, le Messie ne faisait que donner sa vie. Messie, après qu'il s'est fait un cours, pour l'instant, nous nous à reprendre la suite. Et on voit le souci de la gloire à Dieu. Et c'est à choper d'apprendre que le Messie, le Fils de l'homme, allait mourir. Mais dans la bête, ce soit dit, voilà une raison de répéter. Pour dire que ce n'est pas le Messie. Il n'est pas celui qu'on attendait. Aveuglément. Il faut être connecté au programme. Il faut savoir lire clairement les programmes. Il est de manière énigmatique. Et se cacher aux sages et aux intelligents. Et mon père, la bataille, qui aime Dieu, humiliez-vous et Dieu vous fera grâce. Une grâce excellente. C'est vrai. Maintenant, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Jéhovah, prospérera entre ses mains. C'est pour ça que le ministère dont vous avez besoin doit être établi et mandaté par le ministère C'est lui qui reçoit. Lui que j'aurai envoyé. Me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit. C'est lui qui m'envoie. Ici est comme une loi. Ce n'est pas négociable. Qui as-tu reçu? Est-il mandaté par Dieu? Si ce n'est pas le cas, il y en a aujourd'hui. Et toute maison bâtie hors programme, hors norme. L'union s'appelait et son ami de l'Église. Et pourquoi je me commande sa main? Et c'est un qui voulait pas interdit. L'union s'appelait sa main. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. C'est lui qui vient à notre secours. Prenons sa manière et son programme. Vous voulez recevoir Christ? Mais recevez celui que lui a envoyé. Il n'y a pas de raccourci. Aucun retour n'est possible. Aucune philosophie n'est admissible. Les choses sont précises. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Maintenant revenons au psaume 22. Ce passage qui nous a retenu toute la soirée. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Vous voyez ça? Passage. Ouais. Bon, Dieu seul sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Moi je ne sais pas. Psaume 22, verset 31 et 32. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Et elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. L'œuvre de l'Éternel, qui est le Dieu créateur, il a fait la première création, mais en envoyant le Messie, c'est pour réparer les défauts et les failles de la première création. Et il a relancé une création nouvelle. Il a spirituellement lancé un ordre nouveau. D'après lequel vous devez être renouvelés. Et toutes choses doivent être renouvelées. À cause de la suite du péché qui a tout abîmé. La corruption du péché a tout détruit. Mais le Créateur ne s'est pas fatigué. Il a envoyé le Messie en qualité de son serviteur. Et celui qui est sans le Messie reçoit Jéhovah qui l'a envoyé. Le Messie devenu homme. Il dit que c'est lui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Celui qui me reçoit Jéhovah. Vous dites amen. L'ordre divin. Restez dans cette orbite-là. Ne sortez pas du programme divin. Restez là où Dieu vous a placé. C'est la seule condition pour vivre éternellement. Il vous a placé dans la parole. Voyez ? Et la postérité qui doit venir, c'est elle qui doit parler du Seigneur. Voilà pourquoi nous n'aimons pas parler d'histoires profanes. Qui doit parler du Seigneur? De la terre ici. Cette église organisée. C'est amen. C'est vous, c'est mon Dieu. Il devait parler à ces jeunes. À ces jeunes filles. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez que la souillure, la prostitution, la convoitise. Il est dit, c'est vous qui devez parler du Seigneur. Dans vos maisons. Dans votre entourage. Dans votre milieu de travail. Parlez du Seigneur. Et Frère Brenham dit, Jésus-Christ, il est le ressort principal de nos conversations. Si vous déraillez des moments, réfléchissez-vous. Revenez à Jésus-Christ. Parle de lui. Et viens témoigner à ton lieu. Parle de lui. Amène les âmes à la croix. Pour les âmes répandues. Que ces âmes écoutent et fassent leur choix. Pour Jésus. Mais comment toute langue confessera-t-elle que Jésus-Christ est Seigneur? Bien aimé, mais nous connaissons ce que tu connais. Toi, tu ne connais pas l'occasion. Pour toi, que Dieu est. Mais si tu ne donnes pas aux gens qui t'approchent, l'occasion de voir que Jésus-Christ est Seigneur. Vous connaissez, il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou doit fléchir devant lui. Et tout l'âme doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Arrêtez le Seigneur autour de toi. Reste sur tout ça. Donc, un panneau de solo à Pamba Pamba. Parlez du Seigneur. Parlez de son programme. Annoncez l'œuvre de Dieu. Et comme les Juifs ont demandé à Jésus-Christ, aidez-vous nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et la réponse, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croyez en celui que lui Dieu a envoyé. Et vous, la postérité, les fils et les filles du Dieu vivant, par la foi en Jésus-Christ, parlez du Seigneur. Annoncez son œuvre. C'est le programme de Dieu pour vous. Chaque jour, levez-vous avec courage. Parlez des merveilles innombrables du Seigneur. Les écritures doivent s'accomplir. C'est plus que nécessaire. Les écritures doivent s'accomplir. Écoutez. Frère Brenham dit ceci dans le sermon, la résurrection de Jésus. Prêché le 5 avril 1956. Si les grands ecclésiastiques de ces jours ne veulent pas accepter cela, de ces pierres, Dieu ressuscité des enfants à Abraham. Ne vous contentez pas d'être membre de l'Église jusqu'à devenir un grand ecclésiastique. Trop manieré pour ta religion. Tout ce que tu te fais, c'est bien lancer ta cravate animale. Et porter des souliers dont les talons n'est pas encore rongé. Et se promener avec une veste déboutonnée. Même pas de fierté. Manieré pour la religion. Un grand ecclésiastique. Si tu ne veux pas croire cela, sache que de ces pierres, Dieu fait ressusciter des enfants à Abraham. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu prendra les pauvres seigneurs. Et il aiderait. Mais les écritures doivent s'accomplir. Elles doivent s'accomplir. Et il a promis qu'il les secouerait de nouveau. Et non seulement les cieux. Non seulement la terre. Mais les cieux aussi. Et nous vivons dans les jours où nous devons voir cela s'accomplir. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Les écritures doivent s'accomplir. Il a dit que dans les premiers jours, il enverrait les prophètes. Il enverrait son esprit. Il enverrait les prophètes. Il enverrait son esprit. Il enverrait toutes ces choses au dernier jour. Les écritures doivent s'accomplir. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Avant que je lise le paragraphe suivant, j'aimerais vous lire une autre chose ici dans le sermon, témoignage de William Branham. Et je vais vous laisser partir sur cette méditation. Témoignage de William Branham. Litatoli, y a William Branham. Apporté le 10 février 1960. Paragraphe 7. Quand j'avais environ 200, la première vision que je me rappelle avoir eue, je jouais dans le jardin de derrière avec mon petit frère qui ne marchait que quatre pattes. Et une voix vint d'un buisson et dit, tu habiteras près d'une ville appelée New Albany. Quand je n'avais qu'environ 2 ans, une voix est sortie du buisson pour dire au petit Branham. Le petit Branham n'est pas de l'île de Jéhovah. Lui, il est un Branham. Mais une voix est sortie du buisson pour lui indiquer son lieu d'habitation. Il habitera près d'une ville appelée New Albany. J'ai eu très peur. Et j'ai couru à la maison le dire à ma mère. Elle ne savait pas ce que cela signifie. Mais 3 ans plus tard, nous sommes allés près d'une ville appelée New Albany dans l'Indiana. Dieu peut annoncer quelque chose à un petit enfant de 2 ans. Et Dieu peut accomplir cela 3 ans après. Les écritures aussi doivent s'accomplir. Suivez. Et ensuite, à l'âge de 7 ans. C'était en quelle année? À l'âge de 7 ans. Quand Branham avait 7 ans, nous étions en quelle année? Quand Branham avait 7 ans, nous étions en 1916. Et quand le serviteur de Dieu, Charles Price, a donné sa prophétie, c'est en quelle année? Quand nous avons ensemble, Charles Price a fait ça qui nous a connu, nous étions en 1916. Surveillez Dieu au debout du fil. Agissant par des inconnus parfaits. Tant que les deux humains ne se connaissent. Le surnaturel. Ensuite, à l'âge de 7 ans, j'ai transporté de l'eau dans un petit seau de la grange à la maison. Et c'était l'arrière-saison en automne. Et je me suis assis sous un arbre pour me reposer sur ce petit. Vous transportez après un moment au Tikinano. Ça nous arrive à nous tous, non? Au même bidon, la barrière des eaux. Après on m'a volé mes routines. Et puis après, pique les choses. Amené de l'eau dans les seaux. Mais mes trucs qu'il n'a pas cantine. Il est allé sous un arbre. Il a posé. C'est endetté. Avec les seaux en main. N'a pas cantine, on en a beaucoup. Mon père était un très grand buveur. Et j'ai entendu le vent souffler. Il y avait un très grand calme partout. Et je me suis demandé d'où venaient ces bruits. J'étais assis sous un grand arbre. J'ai fait un pas en arrière pour chercher tout autour d'où provenait ce vent. Et à peu près à mi-hauteur sur l'arbre, ayant à peu près la grosseur d'un tonneau, les feuilles tournoyaient sans arrêt. Et une voix provint de là. Disant, ne fume jamais. Ne bois jamais. Ni ne suis encore. Manière. Tu auras une œuvre à accomplir. Quand tu seras grand. Tu auras une œuvre à accomplir. Réaccomplissement quand il y a promesse. Qui est la promesse ici? Vous savez de quoi il s'agit. Cela m'a effrayé. J'ai laissé tomber mes tissus. J'ai très vite couru à la maison. Et j'ai sauté dans les bras de ma mère. En criant. Et j'ai dit, il y a un homme là dans cet arbre. Il y a un homme là-bas. Il y a parlé. Et elle était très agitée. Elle est allée près de l'arbre. Et elle a regardé tout autour. Elle a assis avec quelqu'un là-bas. Et j'avais très peur. Elle a appelé le médecin. Et le médecin a dit, il est simplement agité. Pas de traces. Pas de traces de l'expérience détectable par la science. C'était du surnaturel, mon ami. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais revenir au sermon La Résurrection de Jésus. 5 avril 1956. Aligné ça pour vous comme ça. Vous avez déjà eu des commentaires sur la scène. On en a besoin de mais je vous soumets encore cette méditation. Avec les détails auxquels j'attire votre attention. Maintenant, nous avons un grand ministère là. Le ministère du précurseur de la venue de ce ministère qui vient maintenant. Le tomo, il y a oyaye li boso, il y a le tomo oyali koya sasaipi. Le ministère. Le tomo. Nous avons un grand ministère là. Nous avons le tomo monene wana. Après avoir dit que les écritures doivent se accomplir. La semaine qu'on met les écritures. La chaîne de la pensée. Nous avons un grand ministère. Le ministère du précurseur de la venue de son ministère qui vient maintenant. Êtes-vous là? Comprenez-vous quelque chose? Je vous laisse la méditation. Allez méditer pour mieux comprendre. À la maison, revenez. Jean-Baptiste était parti. Il s'est mis à prêcher la repentance. Et il a réellement prêché. Il a secoué le monde politique de l'époque. Il est à Paris. Il était loin de l'esprit d'Élie. Il est à Paris et il a prêché. Il n'avait pas accompli de miracles. Pas du tout. Il n'a jamais rien dit contre cela. Mais il s'est mis à prêcher. Il a amené tout le monde. Il les a secoués. Parce que toutes les régions avoisinantes venaient l'entendre. Et aussitôt que son ministère avait commencé à très bien marcher, le ministère le tombe du Seigneur Jésus a commencé à accomplir des miracles. Et bandaki koko qui s'est installé en Angola. Le chiot pour chiot. dans l'œuvre de Dieu. C'est qui était au temps de Jean-Baptiste. Oui, c'est qui Jésus-Christ le Messie. Oui, Jésus-Christ. Dans la première venue. Mais maintenant nous sommes à la veille de la seconde venue. Ça fait que nous allons à la veille de la seconde venue. Le programme de Dieu. Acte 3. C'est d'envoyer d'abord le rétablissement de toutes choses. Et après ça, doit venir Jésus-Christ. Il dit premièrement, Jésus-Christ revient. Un parallèle. Ouais. Une répétition de l'histoire. Aussitôt que son ministère, donc de Jean-Baptiste, avait commencé à très bien marcher, le ministère du Seigneur Jésus a commencé à accomplir des miracles. Amen. Amen. Et le grand apogée est proche. Et songe ya likolo et belenipe. Pona bison. Amen. Natango ya bison. Amen. La grande guerre entre le diable et Dieu est en cours. La mise en place est faite pour les dernières lignes. Pour les dernières lignes de front. Là où l'affrontement aura lieu. Et Dieu régnera et dominera. Car l'agneau était avec eux. Et il les a vaincus. Car il est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Il surmontera chaque opposition. Et pour finir cette déclaration, amen. Je vous ai aligné trois paragraphes tirés de deux prédications pour vous laisser repartir ce soir avec cette méditation. Je sais que certains n'ont pas encore bien compris. Je vous laisse ça. Méditez-vous. Allez rechercher ces brochures. Retrouvez ces citations. Sans attendre, vendredi, nous, quand nous allons envoyer les sermons de la semaine, vous les verrez certainement. Mais en attendant, si. Chaque jour que nous méditons le livre, nous devons parler de l'œuvre de Dieu. Parler du Seigneur lui-même, annoncer son œuvre. Et l'objectif est d'avoir un peuple nouveau-né. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Car tout va passer. Pour hériter le royaume de Dieu, vous devenez chrétien. Frères et sœurs, il n'y a pas d'exception. Jeune ou vieux, il n'y a pas d'exception. Chacun doit naître de nouveau dans une expérience personnelle venant de Dieu lui-même. Que Dieu vous compte. Nous nous reverrons ici demain soir avec le même esprit de Dieu. Si la venue du Seigneur sera produite, ce qui pour nous enlever là au ciel, aussi demain soir pour l'adoration, lève-nous pour la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est là, bonne nouvelle, le feu qui ne paierait plus, Dieu donne là vie éternelle, les paroles sont de Jésus. Écoutez-la, bonne nouvelle, vous qui n'espérez plus, Dieu donne-la, vie éternelle, les paroles sont de Jésus. Oh, amour, amour divin, amour sublime, pour nous le voir. Oh, quitte à les cieux, victime, amour reçu. La croix, amour, amour divin, divin. Chacun maintenant. puissant et merveilleux, fidèle aux paroles de ta bouche, toi qui vis éternellement, toi qui nous as tant aimés et qui vis dans ton peuple, qui tient compagnie, qui confirme la promesse en vertu de laquelle, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et aujourd'hui, ça a été un jour où nous avons expérimenté. Nous avons entendu. Nous avons ressenti le rayon de son amour. Mon Dieu, tu es bon à notre égard. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Tu es notre bouclier. Que le monde tanque. Que le monde perde la boussole. Nous savons à qui nous avons créé. Il a un programme. Et il nous mène d'après ce programme. Il ne conduira pas à pas selon ce programme. Car toi, Dieu, tu fais pour nous toutes choses. Donne le conseil de ta volonté. Et tu as promis de faire conclure toutes choses. Au Dieu de ce que tu as. Laisse que la foi de chacun tire les énergies auprès de toi. Se soumettre à chaque parole de ta bouche. Et ça mène à ce niveau-là. Pour trouver une solution miraculeuse. Ce qui serait intellectuellement inexplicable. Comme vous l'a fait pour la femme à la perte des sangs. Un mot de ta bouche peut faire beaucoup. Fais de nous cette postérité de la foi au service de Dieu, comme tu l'as expliqué ce soir. Fais de nous partie prenante de cette postérité. Parle-la, nous fais l'essentiel. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. Ceux dont le cœur sont sincères, dont le cœur sont vraiment humbles, fais-leur une grâce. Une grâce excellente. Que nous soyons concentrés sur ce programme. Détournant les distractions. De faire nous convoiter. De toutes les choses inutiles. Occupe-nous aux choses sérieuses. Écrites dans le livre le plus précieux. Le livre de vérité. Ta parole programme. Tu as promis que ton serviteur prospérera. Et après son sacrifice de mort, il fera une postérité. Nous sommes candidats. Nous croyons à cette promesse qui a déjà commencé à s'accomplir depuis la résurrection de Jésus-Christ et qui bientôt va se clôturer à l'enlèvement de l'église pour mais avant qu'il soit trop tard. Pour saisir les programmes de Dieu, lire correctement les programmes et devenir participant, bénéficiaire, Dieu vivant, exauce chaque prière maintenant et garde ton troupeau au moment de la sortie jusqu'à domicile, chacun en secret. Reste avec chacun de nous et guérit tous les malades, les faibles, toutes les douleurs, chasse les sangs. Que ta paix règne dans nos membres des corps. Que ta paix règne dans nos membres des familles. Manifeste ta volonté, ta gloire. Manifeste ta puissance. Tu es le même dans toutes les générations. Et accomplis tes écritures. Nous voulons être témoins des choses bénéfiques. Fais prospérer l'œuvre de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Pas à pas, jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Et nous croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.